pour vos différents besoins en électricité. C'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter, que ce soit pour les travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Toute notre équipe félicite Alexandre Gagnon pour sa sélection chez les Stampeders de Calgary. J'ai les résultats, j'ai le classement. Avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dame Radio Sport. Benoît, on va parler évidemment de l'impact de Montréal. C'est un méchant bouton qu'on ne s'est pas parlé. On n'est pas capable de se chronométrer ensemble, mais c'est pas grave. On a réussi en ce samedi matin, 6 octobre. Quel exploit. On va parler de l'impact. Hey, comment peux-tu, on va revenir sur le match de la semaine dernière, comment peux-tu arriver à DC United, à Washington, penser par la suite une contre-performance comme ça contre l'équipe que tu te bats en série? Je pense que c'est une grosse déception ce match-là. C'est surtout de voir l'allure du match, de voir les joueurs qui ont abandonné, on dirait, au fil du match, parce que Danny, il faut quand même faire un retour sur le match. Et puis, en première mi-temps, l'Impact a bien joué. Ça s'est terminé juste 1-0. L'Impact a eu des chances. À 0-0, l'Impact a eu des chances. Bakary Sagna est arrivé dans l'aile, il a eu une passe. Le gardien a fait l'arrêt. L'Impact aurait pu prendre les devants 1-0. Mais ça a viré de bord. Puis, il faut mentionner que de l'autre côté, t'as un joueur qui a levé cette équipe-là parce que Wayne Rooney veut pas le marquer deux buts dans ce match-là. Et puis, plus le match a avancé en deuxième demi, l'Impact a comme abandonné le match. Et oui, c'est un match important parce que DC United est septième, mais ça va décider c'est un match qui est probablement le match qui va décider qui va jouer en sixième position et faire des séries, parce que on sait que DC United ont encore deux parties en main, plus ont quatre matchs à domicile sur cinq parce qu'ils ont un nouveau stade. Ils ont construit un nouveau stade, le OD Field, un stade de 400 millions de dollars. Alors, il y a une vision à long terme avec ce club-là, ce qui manque peut-être à Montréal, mais on peut quand même dire que l'Impact, malgré ce match-là, a eu une saison quand même, alors qu'on pensait que ça allait être une saison difficile. On bataille pour une place en série. Alors, il va y avoir des matchs importants. Là. Il y a encore trois matchs en fin de saison. Donc, ça sera pas facile pour l'Impact de se tailler une place en série Coupe MLS. Mais effectivement, écoute, c'était une saison en deux temps. Hein. Si tu connais pas un mauvais début de saison comme ils ont connu, on parle pas de ça. Là. On parle pas du tout de la même affaire. Là. Non, mais c'était difficile en début de saison, puis le temps que Rémi Garde et son équipe puissent se mettre en place et puis de connaître les rouages de la MLS, tranquillement pas vite, on a fait venir des joueurs. Je pense que malgré tout, on s'en sort bien. Ça veut dire que l'an prochain, moi je pense que l'Impact réussira pas à se rendre en série à cause de ce match-là la semaine dernière, mais c'est quand même constructif et positif de voir pour l'an prochain. Il manque des éléments, c'est certain. Un gars comme Piatti aussi, qui est supposément l'élément déclencheur de l'Impact, un match on le voit, un match on le voit pas, manque de régularité. On sait que quand il se met à jouer moindrement, quand on le voit dans le match, il faut qu'il touche plus de ballons peut-être dans situation de match, mais quand on le voit pas dans un match, on a besoin de ce joueur-là là pour aller chercher des points au niveau du classement. Piatti est un joueur très très important au niveau de l'Impact. Hey, en parlant de l'Impact, c'est un méchant bouton qu'on ne s'est pas parlé. Comment tu trouves l'annonce des hausses de billets? C'est sûr que aller demander une hausse de billets alors que l'équipe performe coup-ci, coup-ça, je trouve ça un peu bas de gamme de la part du club. Par contre, on dit qu'il y a l'Impact, ça coûte pas cher, au match de l'Impact. Ça coûte pas cher, non. Mais à ce moment-là, je veux dire, je sais pas. L'Impact doit prendre le marché un peu aussi. Je sais pas quoi penser là-dessus. On doit, si on veut augmenter le prix des billets, il faut offrir une qualité intéressante sur le terrain aussi. Donc, ça va ensemble. Et si l'Impact fait pas la saison, mais écoute, la hausse a été faite, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses positives qui vont arriver dans les années. Moi, j'ai l'impression que l'Impact, tu sais, il y avait eu un boss quand Drogba est arrivé, hein, et on n'a pas réussi à profiter de ce momentum-là. Tu es d'accord avec moi? On en a profité les moments que Drogba est arrivé et quelques matchs par la suite. Et la fin de saison-là avait été très intéressante, mais ça s'est mal terminé avec Drogba. Donc, à partir de là, il n'y a pas eu de choses très, très, très positives par la suite. On a Biello est parti, on a fait signer Piatti, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'importance de ce joueur-là. On a fait venir un nouveau staff d'entraîneurs. On peut leur donner une saison de transition. On est en train de la vivre. Je pense que l'Impact a eu des bons moments dans la saison 2018. À voir pour le futur, mais écoute, est-ce qu'on va aller signer à un moment donné un gros nom de la planète foot européenne à l'avenir? On a eu de la difficulté avec un gars comme Drogba, mais là, il faut remarquer qu'on a des joueurs, on est des entraîneurs de qui a connu un niveau plus intéressant. Donc, avec un joueur de renom, peut-être qu'on va être capable de plus gérer ce joueur. Dans le chat qui est venu cet été là, du côté de il jouait de la première ligue. Bakary Sagna. Bakary Sagna, effectivement. Donc, lui, c'est pas un deux de pique. Là. C'est un gars qui a joué pour la France à l'Euro, qui a joué également. Oh. Il a joué à la France en 2016, un peu plus, puis il était sélectionné pour la Coupe du Monde cette année, mais c'est un gars qui est plus vieux, un petit peu en âge. Lui est venu finir la saison. Est-ce qu'il va rester l'an prochain? C'est quand même. Là, son contrat, c'était pour cette année. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir l'an prochain avec nous. Ce serait intéressant de le garder encore une saison de plus parce que c'est un défenseur qui monte à l'aile, il appuie beaucoup. Donc, c'est ça qu'on a besoin au niveau de l'Impact aussi. Et ça en prend d'autres aussi, des éléments comme ça au niveau de l'Impact. Mais tu vois, comme au niveau d'un gars comme Jackson Hamel, on ne le voit presque plus, un Québécois. Il ne reste plus que Piet qui a du temps de jeu. On va dire que... Dans le cas de Jackson Hamel, ça marche pas avec Rémi Cartier. On le voit là. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais il vient un temps que quand le joueur, il y a un nouvel entraîneur comme ça qui va essayer des nouvelles chimies de combinaison de joueurs ensemble, il faut que quand le Jackson Hamel a son temps de jeu, ben c'est pas gagné, hein. Il faut que tu démontres. Un gars comme Mancosu aussi, on le voit plus dans l'11 partant, bien souvent. Mancosu a été blessé, mais il faut qu'à un moment donné, les joueurs de premier plan. Quand on donne du temps de jeu, il faut que ça fonctionne, hein. Il faut que ça y aille. Si on n'a pas ce temps de jeu-là, on n'est pas capable de marquer les buts quand on est un attaquant de pointe, on passe à un autre joueur, puis là, c'est ce qui se passe présentement avec l'Impact. Effectivement. Donc, l'Impact, on va sauter maintenant du match cet après-midi contre le Crew de Columbus. Le Crew qui est quatrième. Qui c'est quand même prenable compte tenu de leur fiche à l'étranger, 3 victoires, 7 défaites et 5 matchs nuls. Ben, c'est un match que l'Impact n'a pas le droit d'échapper. En plus, c'est à Montréal. Montréal, l'Impact doit absolument gagner ce match-là. Columbus est quand même en quatrième position, mais l'Impact, c'est un club pour Mais si tu regardes le classement, 48 points. L'Impact, en remportant, se rapprocherait à 5 points, mais ce serait difficile quand même d'aller chercher. L'Impact, il va ne rester que 2 matchs par la suite. Je vais te dire, Danny, une défaite de l'Impact ou un match nul aujourd'hui, ça peut faire mal pour le classement de fin de saison. Et comme je te dis, Lucy Nightel est vraiment en bonne position avec encore 4 matchs à domicile sur 5. Puis on sait que depuis un certain temps, je vais le rappeler, Danny, Wayne Rooney, quand il est arrivé à DC United aux États-Unis, le club est en dernière position. Et là, le club est en 7e position. Attention à cette équipe-là, s'il s'en va en Coupe MLS avec Wayne Rooney comme joueur de pointe. Écoute, tu connais tout le début du côté de la MLS. Maintenant, on va parler maintenant de Badou. On ne s'est pas parlé de Badou récemment. Badou qui a fait son choix finalement sur l'équipe internationale. Il va porter les couleurs du Canada. Écoute, on ne se retient pas d'histoire. Là. Je pense que le fait que la Coupe du Monde, il y a une partie qui va être au Canada en 2026, c'est ça qui a fait en sorte qu'il a choisi le Canada. C'était quand même moi? Ben probablement aussi, mais est-ce que la Côte d'Ivoire avait une visée sur lui? C'est la question que je me pose aussi. Parce qu'il y a des excellents joueurs en Côte d'Ivoire. C'est pas certain non plus que la sélection ivoirienne avait voulait l'avoir dans ses rangs. Alors, à ce moment-là, il n'avait pas été appelé encore en sélection de la Côte d'Ivoire. Là, la plupart des joueurs de la Côte d'Ivoire jouent en Ligue 1 en France. Il y en a beaucoup. Et dans des championnats européens. Donc, moi, je suis pas certain que Baldou était si en vue que ça avec la Côte d'Ivoire. Donc, à ce moment-là, il a préféré, il y avait peut-être des alternatives intéressantes avec le Canada, dont la Coupe du Monde que tu as mentionné en 2026. Il va arriver à un âge intéressant. Maintenant, lui, il doit aussi monter de niveau. Là, il est avec l'équipe B de Barcelone. Oui, c'est intéressant, il est encore jeune. Mais à un moment donné, j'imagine qu'il va viser de jouer quelque part, mais je pense pas que le FC Barcelone soit la suite de l'équipe première. C'est là que Baldou va se retrouver. J'ai l'impression qu'il va se retrouver avec un autre club, soit en Espagne ou dans un autre championnat. Il doit viser quand même une première division, parce que là, présentement, je suis même pas certain qu'il fait les matchs, à moins qu'il ait été blessé. J'ai pas suivi sa saison. Il joue sur le Barça dans l'équipe numéro 2, là. Ouais, mais je suis pas encore sûr. Je suis allé voir à un moment donné sur Internet pour voir si je vois les matchs. Je le voyais même pas dans l'alignement, là. Est-ce qu'il était blessé? Fait que je me pose la question, il est où présentement? Et là, il a décidé de jouer avec l'équipe nationale canadienne, mais encore là, même s'il fait cette annonce-là, il va falloir qu'il prouve à l'entraîneur qu'il a sa place sur le terrain, puisqu'il il y a Davis aussi qui s'en va avec le Bayern à la fin de la saison. Il y a d'autres joueurs au Canada, là. Fait que Baldou devra prouver, là. Ça se passe pas rien que sur le web, ça se passe sur le terrain puis dans les entraînements. Le programme aussi est en 2026. Donc, d'ici à ce temps-là, les académies vont pouvoir produire, vont probablement produire les meilleurs joueurs. Hey, parlons maintenant d'autres de la joueurs. Ligue des Champions. T'es-tu là? Oui, j'écoute, parce que je te parle. Les champions maintenant, les activités se poursuivent cette semaine encore. Ligue des champions de l'année, c'était à la jour 2, le groupe EF, le groupe, comment je te dirais, il y a eu de bonnes rencontres en Ligue des champions. Tout d'abord, dans les groupes EFGH, ça c'était mardi, t'as Manchester City qui a battu un club allemand d'Offenheim, une victoire de 2-1. La Juventus, qui n'a pas perdu encore dans le championnat de la Liga, a remporté un match de 3-0 avec les allégations de Ronaldo. On a vu passer ça aussi dans les médias internationaux. Je ne sais pas si comment ça va streamer. Ronaldo a dit qu'il s'était rien arrivé. En passant, c'était en 2009, alors qu'il évoluait avec le Manchester United. Toujours dans la Ligue des champions de mardi, il y a eu le Benfica qui a gagné la Ligue 3-2. Le Bayern de Munich qui a annulé à Amsterdam 1-1. Et tu as Lyon qui a annulé aussi contre un club turc. Par la suite, tu as l'AS Roma, une victoire de 5-0. Et il y a eu un match à Moscou. Le Real Madrid est allé jouer un match à Moscou dans justement le stade Loujniki où j'étais à la finale de la Coupe du Monde. C'était un beau match. L'équipe russe a battu le CSKA de Moscou, a battu le Real Madrid, une surprise 1-0. Et le dernier match, un match nul entre Valence et Manchester United de 0-0. Là, ça, on parle bien des matchs de mardi. Si on regarde par la suite au niveau des matchs de mercredi, il y a eu d'autres résultats aussi. Si tu regardes le FC Barcelone, une victoire de 4-2 à Tottenham en Angleterre avec 2 buts de Messi. Le Paris Saint-Germain, lui, qui selon moi va être une grande équipe cette année. On sait que le Paris, c'est ça qu'ils visent en Ligue des Champions. Ils ont remporté un match de 6-1 contre un club, je sais pas, le Zvezda de Zvezda, je sais pas de quel pays vient ce club, mais on voit qu'avec Mbappé, les Neymar a marqué 3 buts lors de ce match, donc à surveiller le PSG cette année. C'est à partir des 8e et des quarts de finale que le PSG n'est pas capable d'aller plus loin en Ligue des Champions. T'as le club de Schalke en Allemagne, une victoire de 1-0 contre le club de Moscou aussi. Dortmund a battu Monaco 3-0. L'Inter de Milan, une victoire de 2-1. Un autre gros match qu'il y a eu, le Napoli qui a battu Liverpool cette année, qui avait perdu en finale l'année passée contre le Real Madrid, une victoire de 1-0 de Napoli, qui est en deuxième position en Ligue italienne. Et le dernier match, le FC Porto, une victoire contre l'équipe turque de 1-0. Ça fait en sorte que les équipes qui n'ont pas perdu encore d'année dans le groupe A, le Dortmund, Atlético Madrid, qui a gagné son match de 3-1 aussi contre le FC Bruges. Donc, dans le groupe A, tu as Dortmund et Atlético Madrid qui n'ont pas perdu. Dans le groupe B, tu as Barcelona et Inter de Milan qui n'ont pas de défaite. Dans le groupe C, ben, Naples et Liverpool et le PSG, ça va être un groupe intéressant à suivre, là, parce qu'on va se rappeler que Liverpool avait battu Paris Saint-Germain en premier match de Ligue des Champions il y a 2 semaines. Dans le groupe D, tu as Porto et Schalke, le club allemand, qui n'ont pas perdu non plus, avec Galatasaray, le club turc. Et dans le groupe E, Ajax et Bayern qui sont en première position. Dans le groupe F, Lyon, Manchester City, ça va être serré pour se classer pour les huitièmes de finale. Et dans le groupe G, ben, t'as les clubs de Moscou, Real Madrid et l'AS Roma, ça va jouer entre eux. Et dans le dernier groupe, ben, t'as Juventus et Manchester United avec Valence qui vont se batailler les deux premières places là, pour la huitième de finale après les fêtes. Effectivement, donc évidemment, mais je pense que ça, quelque part, ça... Ça presse pas avant l'après les fêtes. Il y a eu le choc de Paris Saint-Germain contre FC Barcelone. Mais finalement, à part ça. Ah, c'était Paris Saint-Germain contre Liverpool, Danny. Liverpool, ok, c'est Paris Saint-Germain contre mais Liverpool. C'est ça, là. Je dirais, il reste encore 4 matchs. C'est encore tôt. Les matchs se jouent. C'est... Les derniers matchs de poule vont jouer en début décembre. Et c'est à partir de là qu'on va être capable de dire bon, c'est les deux premiers de chaque groupe qui vont aller en huitième de finale. Donc, 8 fois 2, 16. Les troisièmes, eux, vont se retrouver en Europa League. Alors, c'est la formule cette année. Et il faut rappeler que dans les prochaines semaines, c'est la Ligue des Nations qui va reprendre, Danny. Ouais, il y a des matchs. La nouvelle Ligue que l'UEFA, que la FIFA a mis en place. Encore un championnat que je ne sais pas si c'est... En quelque part, c'est pour faire des sous, là. C'est carrément pour faire des sous. Mais ça fait, c'est sûr, ça fait des matchs relevés quand même. Mais tu, on va avoir un match en France, justement, l'Allemagne contre la France. Ils ont eu un match de 0-0 le mois dernier. Donc, ça va être à surveiller. Là, les matchs vont avoir lieu la semaine prochaine, je crois. Didier Deschamps, l'équipe de France, a justement fait l'annonce des 23 sélectionnés pour ces deux matchs-là. Là. OK. Marc, je vais terminer. Je t'en ai parlé off the record avant de rentrer en nombre, mais je vais avoir ton opinion là-dessus. Je sais que tu vas être en... On connaît ta fièvre souverainiste encore, même si c'est dépassé, on le connaît, là. L'équipe canadienne de soccer qui vont participer à la Coupe du monde de soccer féminine l'an prochain, je pense qu'il n'y a pas de joueurs québécoises. Il n'y a pas de Québécoises dans l'équipe. J'ai pas fouillé l'année, je sais que ça va être en France, la Coupe 2019. Il n'y a pas de Québécoises. Ou très peu. Bon. Bon, ben oui, ben, très peu. Faudrait vérifier l'équipe nationale jusqu'à l'air. Je sais que j'ai écouté le podcast de Patrick Leduc avec Olivier Brett sur le site d'RDS, Loin de s'en foutre. Puis on en parlait, puis on était un petit peu. J'écoutais ça vraiment seulement d'une oreille. Mais Patrick Leduc disait que c'était pratiquement une honte. L'équipe québécoise, les Canadiens, ben, avaient quand même des Josée Bélanger, Chemin, et ainsi de suite. Ben, si c'est le cas, est-ce qu'il y a des joueuses de niveau pour se retrouver là? Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Normalement, il devrait y avoir quelques Québécoises dans cette équipe-là. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, Christine Sinclair, il faudrait qu'elle laisse la place à d'autres aussi, comme en fin de carrière. Je sais pas jusqu'à quel âge, si elle a le niveau encore. Christine Sinclair, elle est plus au top de sa carrière. Ça va être intéressant de voir le Canada, mais il y a quand même des qualifications à passer là pour se retrouver à la Coupe du Monde, normalement le Canada devrait se qualifier, mais bon, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on va passer le CONCACAF. Écoute, on est cinquième de la nation, cinquième au monde entier. Je ne verrais pas pourquoi on passerait pas, là. En tout cas, on devrait se lancer, mais le Canada, je sais pas, la sélection est rendue où, à quel niveau qu'elle est rendue présentement. On va le voir dans les prochains mois, comment est-ce qu'ils vont performer, comment est-ce qu'un entraîneur va réussir à trouver une chimie d'équipe. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Québécoises, mais il n'y en a jamais eu vraiment beaucoup non plus. Comme tu as dit tantôt, tu dis que l'histoire du Québec, c'était un peu passé date, mais moi, je crois que c'est encore là. Tu vas voir revenir ça à un moment donné.